Exercice 3. Mon fils est roux. Ma fille est rousse. 1. Ce garçon est beau. Cette fille est belle. 2. Il est gentil. Elle est gentille. 3. Mon père est généreux. Ma mère est généreuse. 4. Mon ami est mignon. Mon amie est mignonne. 5. Cet homme est courageux. Cette femme est courageuse. 6. Il est sportif. Elle est sportive. 7. Il est étranger. Elle est étrangère.